Pourquoi y a-t-il des écoles philosophiques? Il y a un phénomène qui peut surprendre dans l'histoire de la philosophie, c'est celui des écoles philosophiques, des philosophes qui ont fondé des écoles avec un cadre, avec des élèves, avec une doctrine qui s'enseigne dans une école et parfois par opposition à une autre. Comme on parle de l'école de Platon ou de l'école d'Aristote, deux écoles d'ailleurs dont les noms sont devenus les noms de beaucoup de nos écoles. C'est l'académie pour l'un, le lycée. Pour l'autre, l'académie et le lycée sont devenus, au fond, les noms peut-être de toutes nos écoles. Pourquoi donc cette formation qui fait que la philosophie donne lieu à des institutions de ce genre, à des groupes, à des collectifs tournés autour de l'enseignement d'une doctrine et parfois aussi du partage d'une vie? Est-ce que c'est la volonté doctrinaire, systématique, de construire quelque chose comme une secte, comme un groupe opposé à un autre et voué à la dévotion à l'égard d'un maître, à un culte exclusif et doctrinaire? Est-ce que c'est cela finalement une école philosophique? Et il y a des philosophes qui ont voulu penser contre toutes les écoles, ne pas avoir de disciples, ne pas fonder d'école. C'est évidemment un grand risque. C'est le risque sectaire des écoles philosophiques vouées à la controverse vaine et au culte du maître. Mais il y a dans le fait même pour la philosophie de fonder des écoles, quelque chose de fondamental, quelque chose qui tient à son essence même. Pierre Hadot l'avait montré dans son livre sur la philosophie antique. La philosophie a pour but de changer nos modes de vie, de changer nos pratiques. C'est la philosophie comme manière de vivre, et pas seulement pour un être individuel et isolé, mais pour justement les autres, pour les arracher au malheur dans l'amitié philosophique et dans la pratique collective du bien. Ainsi, le fait de faire école est essentiel à la philosophie. La philosophie, comme d'ailleurs toutes les doctrines morales ou religieuses, s'accompagne toujours d'un projet collectif, d'un projet institutionnel. Et on peut dire qu'il n'y a pas de philosophie sans la volonté de partager, il n'y a pas de philosophie aussi sans la volonté d'enseigner, un enseignement qui puisse contribuer aux manières de vivre de notre société. Donc il n'y a pas de philosophie sans école philosophique, sans la lutte contre les risques de la doctrine scolaire ou de la doctrine sectaire de la philosophie, mais on peut même aller plus loin. C'est qu'il n'y a pas de philosophie sans école, et même d'école sans philosophie. Une philosophie de l'école qui fasse de chaque école à tout niveau, de la plus petite à la plus grande, un cadre pour avancer ensemble, un cadre pour avoir des pratiques non pas sectaires et opposées les unes aux autres, mais au contraire qui concilient leur diversité dans une institution qui puisse contribuer au changement collectif aussi bien qu'au changement individuel, qui puisse fournir un cadre pour la pensée et pour l'action. Nous avons donc besoin aussi de revenir à ce sens premier de l'école, ce mot grec qui désignait aussi tout à fait simplement le loisir, le temps disponible pour un travail intellectuel qui reviendrait ensuite vers la société et vers le monde. Une école qui passe par ce détour que la philosophie incarne parmi toutes les autres sciences, la philosophie avec toutes ses disciplines, avec tous ses questionnements initiaux, mais un détour qui revienne ensuite vers l'utilité sociale, vers les pratiques collectives et qui rappelle à tout le monde que la société elle-même a besoin de l'école, comme le disait Gaston Bachelard, comme la société elle-même est une école tournée contre les obscurités et les ténèbres, contre l'obscurantisme et ce qui menace notre vie commune.